quelques années, avec les progrès des réseaux sociaux, de l'apprentissage profond et de ce qui est assimilé à l'intelligence artificielle, un mot a cristallisé toutes les craintes, toutes les angoisses. C'est fait le synonyme de la déshumanisation de notre société numérique, l'algorithme. Or, loin d'être une incarnation du mal et le cheval de Troie de Skynet, l'algorithme est avant tout un objet mathématique, parfois simple, souvent complexe, qui permet d'aborder, en le décomposant, un problème insoluble. La nouvelle titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France est de fait une spécialiste des algorithmes. Claire, Mathieu et notre invité pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Claire Mathieu. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation, c'est quasiment un baptême de la radio pour vous, vous étiez déjà venu sur nos ondes l'an dernier, mais jamais une heure entière comme ça, donc nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice de recherche CNRS, vous travaillez au département d'informatique de l'École normale supérieure et à l'Institut de recherche fondamentale en informatique à l'Université Paris Diderot, et vous êtes donc toute récente titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Vous avez livré le 16 novembre dernier, il y a une quinzaine de jours, votre leçon inaugurale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle en était la teneur ? Dans ma leçon inaugurale, j'ai présenté l'algorithmique, l'étude des algorithmes, et j'ai essayé de montrer que les algorithmes pouvaient être utiles aux humains et à la société, en prenant quelques exemples. Quelques thèmes que vous avez abordés, faut-il avoir peur des algorithmes ? On en reparlera dans la dernière partie de cette émission. Comment utilise-t-il les milliers de données qu'il collecte sur nous et surtout dans quel but ? Comment dire un mot avant d'en arriver à ces questions de libre arbitre, de discrimination, de ce qu'est un algorithme. Je le disais dans l'introduction de cette émission, c'est un mot qui est aujourd'hui très chargé. Finalement, c'est un objet mathématique assez simple. Oui, un algorithme, c'est d'abord une méthode pour résoudre un problème de façon constructive. C'est en mathématiques, quelquefois, on vous démontre que quelque chose existe, mais sans vous dire comment le trouver. En algorithmique, il faut expliquer pas à pas comment, à partir de briques simples, on peut résoudre un problème compliqué. Mais c'est toujours constructif. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de décomposer ? Alors, on va voir qu'il y a différents types d'algorithmes, hein, mais que c'est de décomposer, effectivement, par des briques simples, un problème qui est complexe et qui peut sembler insoluble sans en passer par cette voie de décomposition ? Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait cela. Il faut partir d'éléments simples et, petit à petit, former des éléments de plus en plus compliqués avec, dans une sorte d'architecture. Pour construire des cathédrales. est-ce que vous pouvez nous donner par exemple quelques exemples d'algorithmes très simples que l'on emploie quasiment au quotidien ou de formules de type algorithmique qui sont en fait des usages courants qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours ? Il y a un exemple que j'aime bien, c'est à l'école, l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique où les enfants apprennent d'abord les lettres, ensuite combiner les lettres pour apprendre les syllabes, puis des syllabes aux mots, des mots aux phrases, et après on fait des textes, et quand ils savent annoncer des textes, on espère qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Et ça, c'est typiquement une démarche algorithmique. Oui. Alors, Claire Mathieu, on vient de mettre d'ailleurs, hein, je précise, votre leçon inaugurale en ligne sur notre fil Twitter, où on va vous mettre un certain nombre d'éléments, comme chaque jour, sur le compte @laméthodefc. Claire Mathieu, avant de plonger avec vous, justement, hein, dans ces méandres de l'algorithmique contemporaine, on va voir que cette notion d'algorithmique s'est nettement complexifiée à partir de la moitié du XXe siècle. J'aimerais qu'on dise quelques mots de votre parcours. Vous êtes vous-même mathématicienne de formation. Comment se fait le lien avec l'informatique, puisque finalement l'algorithmique, c'est une sorte d'entre-deux entre les mathématiques et l'informatique. Comment le définiriez-vous ? Je dirais que l'algorithmique fait partie de l'informatique, mais qu'elle utilise des outils mathématiques. Quand j'étais étudiante, je suis devenue élève à l'École normale supérieure, de jeune fille à l'époque. À Sèvres. Je voulais faire de la recherche en mathématiques, et on m'a dit, vous allez faire des mathématiques, il faut suivre un cours d'informatique. En fait, j'avais le choix, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, j'ai été incitée fortement. Donc, j'ai, avec réticence et à regret, suivi un cours d'informatique. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, après, j'ai décidé de continuer en informatique. Et depuis, je fais de l'algorithmique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a plu précisément dans cette démarche, dans ce système de pensée, dans ce système de résolution de problèmes qu'est l'algorithmique? Je pense qu'il y a un côté très concret dans la résolution de problèmes qui, en fait, m'avait toujours intéressée sans que je sache que, en fait, ma façon de penser aux problèmes mathématiques m'orientait plus vers ce domaine de recherche. Par exemple, lorsque j'étais lycéenne, pour Noël, une année, j'ai reçu un Rubik's Cube. Mm-hmm. Vous savez ce que c'est ? Oui, tout à fait. C'était la mode à l'époque. Donc, je l'ai pris, j'ai fait quelques manipulations. Puis après, je n'ai pas réussi à le remettre comme dans la position de départ. Et du coup, j'en suis devenue inséparable. Je n'ai pas pu arrêter de jouer avec mon Rubik's Cube le jour, la nuit, tout le temps, en cours, n'importe quand, pendant des semaines, jusqu'à arriver à trouver la solution. Donc je pense que cet intérêt pour trouver une méthode et en même temps cette façon de plonger dans un problème en y étant complètement à 100% pendant une durée assez longue, je pense que ça c'est un petit peu un point commun avec beaucoup de chercheurs en algorithmique. Vous diriez qu'il y a là aussi une sorte d'entre-deux entre l'abstraction, une certaine poétique de la mathématique et en même temps l'application, l'aspect extrêmement concret de l'informatique. Oui, je pense que là, je pense que vous avez bien décrit ce point délicat, cet équilibre qui fait que nous, en algorithmique, on trouve que ce qu'on fait, c'est beau. Mais les mathématiciens aussi, hein, les mathématiciens qui travaillent sur... Oui, mais nous, on peut l'expliquer. vous dites, Claire Mathieu, j'aime travailler sur les algorithmes car j'aime la structure, la simplicité et la beauté des objets qu'on manipule. Et c'est ce plaisir, cette appréciation de la beauté des algorithmes, c'est cela que je veux transmettre à travers mes cours au Collège de France. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on transmet ce plaisir de manipuler ces objets-là, selon vous ? Partager son plaisir, d'abord il faut montrer que c'est beau. Comment est-ce que vous expliqueriez cette beauté que vous percevez aux auditeurs qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec ces objets mathématiques ? On voit que quelque chose est simple, on voit que c'est clair, on découvre des éléments nouveaux, c'est un peu comme un explorateur. On voyage dans le brouillard et puis on travaille sur des exemples, sur des cas particuliers, sur des petites propriétés. Et puis, petit à petit, il y a un coin de voile qui se lève. Et quand on découvre un invariant, quand on dit « Ah, je me suis aperçu que ces nombres que je cherchais à calculer, j'ai essayé 10 exemples et ils sont tous pairs. Est-ce que par hasard, ce serait général que ce soit des nombres pairs ?» Et si on arrive à comprendre pourquoi, le pourquoi, l'explication, c'est-à-dire la démonstration, on a compris quelque chose de nouveau sur le problème. Et donc, c'est comme si on voyait la structure du paysage qui se dégage. C'est comme si on regardait le fronton d'une cathédrale, et puis on l'observe vu de près, on voit rien, et puis on se recule, et puis petit à petit, on voit les grandes lignes qui se dégagent. Et quand on a compris qu'il y a ces lignes, c'est beau. Cette structure-là. Est-ce que vous diriez, comme on entend souvent hein, en mathématiques ou en physique, qu'il y a une certaine forme d'élégance, d'élégance d'une équation, d'élégance d'une forme de résolution. Il y a une élégance dans l'algorithme aussi, dans l'algorithmique. Oui. Mmh. Oui. Je pense que c'est la même. C'est la même. C'est la même chose. Oui. Alors, je suis toujours. J'aime beaucoup cette expression d'élégance d'une formule qui peut être très abstraite pour quelqu'un qui n'est pas physicien, mathématicien ou informaticien. Comment vous la décririez-vous ? Qu'est-ce que c'est que l'élégance d'une équation, d'une formule, d'un algorithme ? Dans mon cours au Collège de France, j'ai demandé à un ami de faire des illustrations pour plusieurs des problèmes. Il a fait des dessins qui sont très épurés, avec quelques lignes qui se contente de suggérer l'illustration. Et je pense que c'est un peu pareil quand on travaille sur un problème mathématique ou informatique. Quand on trouve, disons, une équation pour un mathématicien, il y a une simplicité. On a un phénomène complexe et on trouve quelque chose de court, de compact, un résumé de l'essentiel. Donc on touche à l'essentiel. C'est un petit peu ça. C'est le fait de toucher à l'essentiel qui permet d'avoir quelque chose de très simple. Et c'est ça qui est élégant. Comme une robe avec une ligne très épurée. L'élégance, c'est synonyme d'une forme de simplicité ? Oui. D'épure, oui. On enlève les fioritures et on trouve quelque chose d'essentiel, d'essentialisation d'une formule, c'est ça ? On découvre un principe essentiel commun à plusieurs choses et puis après on le reconnaît partout. Une fois qu'on l'a saisi une fois, après, on regarde ailleurs et on reconnaît les mêmes principes. Et ça nous aide à comprendre le monde et à l'apprécier. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h10, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir tout au long de cette heure Claire Mathieu qui est la nouvelle titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, spécialiste d'algorithmique, plus précisément d'algorithmes d'approximation, on va y venir. Peut-être avant ça Claire Mathieu, on pourrait faire un petit détour historique par l'origine de l'algorithmique parce que comme je le disais tout à l'heure, si le XXe siècle lui a donné une nouvelle résonance avec le développement de l'informatique, ce sont des procédés de calcul qui apparaissent extrêmement tôt. Oui, bien sûr. Par exemple, les quatre opérations que nous apprenons à l'école primaire, on sait les faire depuis longtemps. Et en fait, le mot algorithmique lui-même, il vient d'un chercheur et d'un enseignant qui s'appelait Al-Khwarizmi, qui venait de Perse, en fait d'une région de l'Ouzbékistan, mais qui travaillait à Bagdad, qui écrivait en arabe et qui a écrit des traités pour expliquer comment faire des additions, comment résoudre des équations linéaires. Et ces traités, c'est ça, les premières modélisations formelles des quatre opérations, en supposant bien sûr que les nombres sont écrits en décimales. Parce qu'on peut dire, d'une certaine manière, si on réduit l'algorithme à sa plus simple expression, qu'une multiplication est déjà un algorithme. Une multiplication est absolument un algorithme. On peut le faire rapidement, on peut le faire lentement. Le temps qu'il faut pour exécuter cette multiplication, c'est l'efficacité de l'algorithme. Et bien sûr qu'une multiplication est un algorithme. Quelle définition donneriez-vous aujourd'hui, ou quelle est la définition commune d'un algorithme? Parce que l'algorithmique, finalement, comment elle évolue finalement au cours de l'histoire des mathématiques? Ça n'est pas une branche des mathématiques aussi renseignée, aussi documentée que l'algèbre, que l'arithmétique, que la géométrie? Si vous voulez que je sois un petit peu technique, je vous dirais qu'un problème en informatique, ça se définit par une entrée, une sortie. En entrée, vous avez, disons, deux nombres. En sortie, vous avez le produit de ces deux nombres. Un algorithme, c'est une façon d'aller de l'entrée vers la sortie. Une façon, pas à pas, par une succession d'opérations de base qui sont des opérations qu'on sait faire a priori, comme, disons, additionner deux nombres à un chiffre. Une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Ça me va. Ça vous va. Bon, alors on va partir là-dessus. Avançons un peu, parce qu'on n'est pas là pour faire l'historique de l'algorithmique, mais pour parler de votre parcours et de vos travaux. Tout de même, un mot sur la nouvelle jeunesse, ou en tout cas la renaissance de l'algorithmique, ou la naissance tout court de l'algorithmique en tant que discipline mathématique, à partir du milieu du XXe siècle, avec notamment la machine de Turing. Oui, la machine de Turing est une façon de définir, donner un modèle théorique pour les ordinateurs. Et les algorithmes, l'algorithmique, c'est l'un des domaines les plus importants, l'un des domaines de base de l'informatique. Il faut avoir de l'architecture de machine pour pouvoir construire des ordinateurs. Il faut avoir des langages de programmation pour pouvoir écrire nos idées dans un langage compréhensible par les machines, des compilateurs pour les traduire à un plus bas niveau. Et puis, il faut des algorithmes pour pouvoir résoudre des problèmes mathématiques d'une façon qui ensuite peut être traduite en langage de programmation. Donc, il y a quelques domaines qui sont les domaines de base de l'informatique. Et l'algorithmique, c'est l'un de ces quelques domaines de base. Donc avec l'expansion formidable de l'informatique depuis 50 ans, l'algorithmique, bien sûr, a suivi. Et c'est incroyablement complexifié, on va en reparler. Est-ce qu'il est indispensable ou non, je vous laisse le soin de prendre cette décision, Claire Mathieu, est-ce qu'il est indispensable ou non d'en passer par la théorie de la complexité pour comprendre ce qui va nous amener à votre spécialité, c'est-à-dire l'algorithme d'approximation? On n'est pas obligé de comprendre vraiment, mais il faut peut-être être en dire quelques mots. Il faut être convaincu que le temps nécessaire pour résoudre un problème, c'est un paramètre important. Si vous avez une solution, mais que le temps qu'il faut pour résoudre et jusqu'à la fin de vie du soleil, ça ne sert à rien. Donc, en fait, à partir du moment où on se rend compte que le temps de résolution, le temps d'exécution de l'algorithme est un paramètre central, à partir de là, on peut développer la théorie de la complexité, dire quels sont les problèmes pour lesquels il existe une solution en un temps raisonnable ou pas. même lorsque les données sont importantes. Et c'est ça qui permet d'avoir une dichotomie entre les problèmes raisonnables et les problèmes impossibles à résoudre, pense-t-on, en temps réduit. Mmh. Et ces problèmes, la première classe de problèmes, ceux qu'on peut résoudre en un temps raisonnable, on appelle ça P, la classe P, les problèmes solubles en temps polynomial. Mmh. Ensuite, les problèmes plus généralement, dont on ne sait pas a priori si on peut les résoudre en temps polynomial, mais on peut vérifier, on appelle ça NP, mmh. la classe NP. Et c'est une grande question actuelle, la grande question ouverte de l'informatique théorique, c'est est-ce que P et NP sont différents ? Si on sait résoudre ce problème, on gagne $1 million. Mais je dirais que ça fait partie des 7 grands problèmes mathématiques à résoudre dans le siècle qui vient. Tout à fait. Mais je dirais que ce prix est négligeable par rapport à l'impact de cette conjecture. À l'impact théorique, oui. Évidemment. Donc, ce qui nous amène à votre spécialité, l'algorithme d'approximation, c'est précisément l'outil mathématique qui doit permettre d'apporter des solutions ou une approximation des solutions à un problème NP. Oui, les algorithmes d'approximation permettent de contourner ce problème de la NP difficulté. Quand vous avez un problème dont vous démontrez qu'il est, on dit qu'il est NP difficile ou NP complet, vous savez que c'est sans espoir pour vous d'essayer de trouver une solution raisonnable. Donc, que faire ? Que faire ? Vous pouvez laisser tomber, vous pouvez passer à autre chose, ou vous pouvez dire, non, je vais essayer de contourner la difficulté en redéfinissant le problème. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les algorithmes d'approximation, par exemple. Par exemple, disons, vous chargez un avion, vous mettez les valises dans les soutes et il faudrait que les valises que vous mettez du côté gauche et celles que vous mettez du côté droit, ce soit le même poids au total. Mm-hmm. Trouver une partition des valises pour que les deux poids à gauche et à droite soient exactement égaux, ça c'est un problème NP difficile. Mais que ce soit à peu près égal, ça c'est un problème facile. Eh bien, pour définir exactement ce que sont ces algorithmes d'approximation et comment s'articule aujourd'hui la recherche autour de ces algorithmes d'approximation, nous sommes allés faire appel à l'un de vos étudiants, Claire Mathieu. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour Claire Mathieu, alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce n'est pas vous l'étudiant en question, car non. Vous comptez-vous encore sur vos deux doigts en faisant les erreurs, oui. Mais vous êtes allé voir l'un des chercheurs du laboratoire d'informatique de Paris 6. Oui, il s'agit de Vincent Cohen Haddad, qui est l'un de vos anciens thésards, Claire Mathieu. Il est chercheur CNRS, vous l'avez dit, au laboratoire d'informatique de Paris 6. Il m'a expliqué l'implication des algorithmes d'approximation et leur utilité dans notre vie quotidienne. L'un des enjeux majeurs de ses travaux, c'est notamment de savoir si un problème de notre quotidien ou autre peut être formalisé de façon intéressante par les mathématiques et être passé au crible des algorithmes. Alors, un algorithme d'approximation, donc c'est, il faut un petit peu définir d'abord là, ce que c'est que pourquoi on voudrait trouver une solution approchée. Eh bien, c'est parce que la théorie de la complexité nous dit que ça va être difficile de les résoudre. On n'a pas les techniques aujourd'hui en maths qui nous permettent de donner des algorithmes qui permettent de trouver la bonne solution en un temps raisonnable. Donc, pour beaucoup de problèmes, par exemple, on a des algorithmes qui peuvent les résoudre, mais en un temps qui prendrait peut-être plus que l'âge de l'univers. Sur une petite instance. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu frustrantes. Et donc pour cela, on a quand même besoin de résoudre ces problèmes dans la vie de tous les jours. Et donc on aimerait trouver des algorithmes qui permettent de trouver une solution qui soit pas exactement optimale, parce qu'on va pas pouvoir le faire, mais peut-être un peu plus coûteuse, mais pas trop plus coûteuse que la solution optimale. Alors, quels problèmes de la vie de tous les jours sont concernés par ces algorithmes-là ? Alors, donc là, il y en a beaucoup. Donc, par exemple, un des problèmes sur lequel on a travaillé avec Claire Mathieu, c'est, par exemple, si on cherche à placer des casernes de pompiers dans une région. Eh bien, alors, on va regarder le réseau routier de cette région. Et puis, on va essayer de placer, je sais pas moi, casernes de pompiers, de sorte que, eh bien, tous les immeubles soient proches d'une caserne de pompiers. Eh bien ça, c'est le genre de problème. Trouver les meilleurs emplacements pour ces cas casernes de pompiers, c'est un problème qui est assez complexe et pour lequel on ne sait pas faire, on ne sait pas trouver la meilleure solution. Même quand l'entrée est un réseau routier, on ne sait pas faire. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est donner des algorithmes assez simples qui nous permettent d'obtenir les meilleures garanties possibles d'approximation pour ce genre de problème. Pour ce travail-là en particulier, on s'est intéressé à un algorithme qui existe déjà, qui est très simple, une méthode utilisée dans l'industrie d'ailleurs pour résoudre ce genre de problème, et on a montré qu'elle était bien, quoi, qu'elle était efficace. Un algorithme, c'est potentiellement un multi-usage. Oui, voilà, tout à fait. Donc là, c'est en fait, c'est plutôt un espèce de paradigme qui est utilisé dans dans l'industrie pour s'attaquer à ces problèmes un petit peu compliqués. Et en fait, c'est un algorithme qui permet d'obtenir une solution qui va être localement optimum, c'est-à-dire qu'on a une solution, on essaie de la modifier par petites touches, et à chaque fois qu'on essaie de la modifier, en fait, ça va devenir pire. Donc on est à un endroit où la solution est bonne localement. Alors évidemment, elle n'est pas bonne globalement. Potentiellement, on pourrait la modifier beaucoup d'un coup et ça donnerait quelque chose de meilleur. Mais on a pu montrer que ces solutions qui sont bonnes localement pour ce genre de problème, sur les réseaux routiers par exemple, elles sont bonnes globalement aussi. D'accord. Et comment vous les essayez, voilà, concrètement? Parce que pour moi, ça m'intrigue vachement, en fait, ce côté, voilà, on pense des calculs théoriquement et puis après, on les essaye. Voilà, comment on met un algorithme à l'épreuve du feu? Eh bien, alors, donc, ça, c'est. Il y a des gens qui conçoivent ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire un ensemble d'inputs qui sont d'entrées qui sont assez difficiles ou intéressantes parce que caractéristiques de ce qui va se passer en pratique. Et ensuite, on peut essayer l'algorithme, donc on l'implémente, bien sûr, on programme un langage, et ensuite, on va l'essayer sur cette série d'instances, et puis le comparer avec des algorithmes précédemment essayés sur ces instances-là. Tout à l'heure, vous me parliez d'une application de ces algorithmes-là, avec par exemple cet exemple des casernes de pompiers, comment les installer. Il y a une variété immense d'algorithmes dans notre quotidien. Vous, sur lesquels, voilà, vous travaillez au quotidien, qui sont des algorithmes potentiellement avec une application très très concrète. Peut-être le premier facteur discriminant pour s'intéresser à un algorithme, ça va être, est-ce que le problème qu'il y a derrière, il a une formalisation mathématique qui soit intéressante, et est-ce qu'il pose une question mathématique intéressante? Par exemple, si vous prenez l'application qu'il y a dans votre téléphone, il y en a beaucoup qui vont sûrement, c'est peut-être des jeux, des choses comme ça, donc les algorithmes qui tournent derrière ou pour ce genre de choses, ça va pas nous intéresser, par exemple. Mais ensuite, si vous prenez l'étape au-dessus, si vous montez un niveau au-dessus, il y a par exemple l'algorithme qui va vous recommander l'application que vous allez acheter la prochaine fois ou que vous voudrez essayer la prochaine fois. Ces algorithmes de recommandation, eux, ils nous intéressent déjà un peu plus parce que, quand il faut vous recommander une nouvelle application, c'est pas évident. Ça dépend des applications qui sont en mémoire en ce moment. Ça dépend des décisions que vous avez faites avant. On n'a pas toute l'information. Donc, quand on n'a pas toute l'information, déjà, il faut arriver à modéliser ça. Et ensuite, ça peut poser des questions mathématiques intéressantes. Par exemple, les algorithmes de recommandation sur Amazon, ou je cite un peu n'importe quoi, c'est déjà des choses qui nous intéressent un peu plus. Et Claire Mathieu, elle a dirigé votre thèse. C'était quoi votre travail de recherche et les algorithmes qui étaient au cœur de votre thèse? Donc une partie a été ces algorithmes sur le placement des casernes de pompiers dont je parlais. Ensuite, on s'est intéressé aussi à des problèmes qui sont un petit peu connus. Certains peut-être connaîtront, c'est le voyageur de commerce. C'est un problème qui est assez phare en informatique, justement, bon, parce qu'il est difficile et puis... Il consiste en quoi ce problème? Parce qu'il a déjà un super nom. Alors le problème du voyageur de commerce, c'est... il faut imaginer un voyageur de commerce qui a besoin de faire sa tournée, donc d'aller dans différentes villes. Et donc maintenant, il faut trouver l'ordre dans lequel on va visiter ces villes. Le voyageur va visiter ces villes, faire sa tournée, et de sorte de minimiser la distance qu'il va parcourir. Voilà. Ce problème qui est très simple à énoncer, là, comme je vous le dis, on ne sait pas le résoudre en temps efficacement. C'est-à-dire que si, temps efficace, c'est-à-dire que si vous me donnez, 100 villes, eh bien, il faudra plus de l'âge de l'univers pour le résoudre. Donc ça, c'est un problème qui est un petit peu frustrant d'un point de vue mathématique. On ne sait pas comment le résoudre. Et même pour certaines instances très simples, même si vous me donnez un réseau routier. Et donc, on fait des algorithmes approchés. Et donc, avec Claire Mathieu, on a analysé à nouveau des algorithmes très simples et montré que ces algorithmes très simples, dans certains cas, ils peuvent être efficaces pour résoudre ce problème du voyageur de commerce. Claire Mathieu, voilà un exemple concret de vos travaux avec votre équipe et votre ancien étudiant sur les algorithmes d'approximation. Une réaction à ce que vous venez d'entendre simplement, peut-être pour commencer. Ah, je suis très contente qu'ils disent que ce qui est important, c'est que le problème soit intéressant. Ce critère de goût, développer son goût pour les problèmes, je trouve ça très, très bien, je suis très fière. Un mot, tout de même, on a entendu une notion qui est une notion importante et que j'aimerais que vous détailliez ici un peu à ce micro, cette notion de temps efficace, puisque en informatique et en algorithmique, la rapidité est un critère essentiel pour la qualité de l'algorithme. Comment est-ce qu'on travaille ce rapport entre le paradigme rapidité d'une part et niveau d'approximation de l'autre? Est-ce que c'est un vrai paradigme ou est-ce que c'est moi qui l'ai créé tout seul dans mon esprit déjà? Il y a un vrai compromis à trouver entre les deux. C'est l'une des grandes idées des algorithmes d'approximation, c'est d'essayer de payer un peu en termes de qualité de solution, mais d'arriver à avoir des solutions qu'on peut construire beaucoup plus rapidement. Par exemple, disons que vous voulez partager un ensemble de points en deux sous-ensembles. Mmh. Ceux de gauche, ceux de droite, vous prenez un nuage de points et vous voyez visuellement qu'il y a deux parties. Comment vous faites? L'une des possibilités, c'est qu'on ne peut pas regarder toutes les partitions possibles, il y en a trop. À la place, vous allez prendre un petit échantillon, une centaine de points au hasard, ou peut-être moins, une vingtaine. Pour ces quelques points, vous allez regarder toutes les possibilités et trouver la meilleure façon de les partitionner en deux. Et une fois que l'échantillon, vous avez résolu le problème pour l'échantillon, après vous pouvez rajouter les autres, compléter avec les autres. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réduit le temps de calcul, parce que vous avez juste eu à résoudre le problème sur un petit échantillon. Et en même temps, si l'échantillon n'est pas trop petit, la solution pour l'échantillon est représentative de la solution pour l'ensemble des points. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour en déduire une solution pour globale. Ma question serait, comment est-on sûr que l'échantillon sélectionné est nécessairement, obligatoirement représentatif de la totalité? C'est toute la difficulté. Là, il faut... C'est là qu'il y a des difficultés pour démontrer que les approximations que vous faites ne sont pas trop coûteuses. Un autre exemple, c'est un déménageur qui met des livres dans des cartons, qui veut ne pas dépasser un certain poids. Il y a trop de possibilités. Il faut peser tous les livres. On va regarder non pas le poids exact, mais le poids approximatif. Si vous ne changez pas trop le poids des livres quand vous faites un arrondi, alors la qualité de la solution ne va pas trop bouger. Par exemple, si vous arrondissez le poids des livres à 100 grammes près, ben vous savez que votre solution, ça ne va pas trop dévier de la réalité. Vous pouvez borner l'erreur. Donc quand on fait des approximations, il y a forcément une erreur, mais on peut borner l'erreur. Du moins, c'est notre travail à nous quand nous faisons de l'analyse d'algorithme. Est-ce que ça veut dire que ce travail, il se fait par approximation successive? Quelquefois. Quelquefois, c'est souvent plus facile d'avoir juste deux ou trois étapes dans l'algorithme. Quelquefois, il y a des approximations successives. Mais en général, on choisit dès l'abord, dès le début, en regardant le problème. On peut peut-être le poser avec des équations mathématiques, trouver une borne inférieure en résolvant un système d'équations qui ressemble au problème, mais un peu plus facile. Et à partir de cette borne inférieure, ça nous guide pour savoir comment on fait nos arrondis. On a entendu, vous venez de le dire, c'est une autre question, qu'on trouve un problème qui ressemble. Comment est-ce qu'on sélectionne un algorithme qui va pouvoir s'appliquer à un problème tout autre, prenons celui du voyageur de commerce? Quels sont les critères qui vous permettent de déterminer, de dire cet algorithme qui a été utilisé pour résoudre un tout autre problème, il va me permettre d'être un point de départ pour aborder cet autre problème? Quels sont les points de connexion qui vous permettent de faire ce type de postulat, Claire Mathieu? Ça, c'est un peu notre cuisine à nous. On a nos ingrédients, on a quelques méthodes, on sait qu'on peut arrondir les valeurs d'entrée pour qu'elles soient moins différentes les unes des autres, on peut simplifier la sortie pour lui donner une structure hiérarchique, on peut faire de l'échantillonnage aléatoire, on peut prendre les données dans un ordre aléatoire, on peut faire de la recherche locale, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, en faisant des petites modifications locales. Donc on a quelques méthodes, pas tant que ça d'ailleurs, en fait. Mmh. Et pour concevoir l'algorithme, on cherche la combinaison de méthodes qui marche le mieux. Et pour la trouver, c'est pas complètement magique quand même. C'est on a un jeu entre les algorithmes et les exemples. Donc typiquement, quand on travaille sur un problème, on cherche un exemple. On résout à la main sur cet exemple. Après, on se dit, bon, sur cet exemple, une méthode qui marcherait bien, ce serait telle méthode. Après, on se concentre sur la méthode. On dit, cette méthode, est-ce qu'elle marche bien dans tous les cas? On cherche un petit peu et on dit, ah, tel exemple, ça ne marche pas. Après, on dit, ah, mais quelle méthode marcherait à la fois pour le premier exemple et pour le deuxième? Et on trouve une nouvelle méthode. Et ainsi de suite, on fait des allers-retours entre chercher des méthodes et des contre-exemples. C'est pour ça que c'est souvent bien de travailler en collaboration. Il y en a un qui travaille dans le positif, l'autre dans le négatif. Comme ça, on n'a pas tout le temps à passer d'un point de vue à l'autre. Et petit à petit, on affine notre perspective jusqu'à trouver un algorithme qui marche dans tous les cas. Dites-moi, Claire Mathieu, vous dites également, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui se passe après. C'est l'idée que les problèmes que l'on étudie ne sont pas seulement des choses abstraites en dehors de tout contexte. Ce sont aussi des questions liées à des sujets informatiques ou de société. De plus en plus, je m'intéresse à des questions sociétales. C'est vrai. Ça vient de vous. C'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Quand j'étais jeune chercheur, en fait, pour trouver sur quel problème travailler, je lisais les articles publiés et je regardais quel problème ouvert était suggéré. Donc, en fait, les questions m'étaient données par les autres. Et moi, mon travail, c'est d'être chercher à résoudre les problèmes des autres. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de participer à un comité de programme où nous avons lu des articles soumis, des centaines d'articles, et nous avons dû en choisir quelques-uns. Et j'ai entendu la discussion et j'ai entendu tous mes collègues plus âgés et plus mûrs qui discutaient beaucoup des problèmes, qui disaient « Est-ce que c'est un bon problème à résoudre ? Est-ce que c'est la bonne question à poser pour résoudre ce problème ? Pourquoi ce problème est-il important ? Quel impact la solution va-t-elle avoir ?» Et c'est là qu'il y a eu comme un déclic. J'ai compris que on pouvait soi-même poser ses propres questions, trouver ses propres questions en essayant de s'intéresser à un contexte un peu plus large des questions. Et alors plus ça va, plus je m'intéresse au contexte. Peut-être que c'est l'effet d'avancer en âge. Et donc actuellement, je m'intéresse de plus en plus aux algorithmes qui ont des impacts plus directs sur la société, comme pour des découpages électoraux, pour avoir des votes qui sont justes, comme l'algorithme APB ou Parcoursup pour envoyer les étudiants à l'université. L'admission post-bac suscité beaucoup de... divers algorithmes qui font intervenir les humains. Et on va discuter d'un de vos succès en matière algorithmique qui était intéressant à propos du plafond de verre dans un réseau social de chercheurs. On en parle dans quelques instants. La méthode scientifique, Nicolas Martin. David Bowie, Through This Architect Eyes, sur l'album Outside à 16h35 sur France Culture. Nous passons cette heure en compagnie de Claire Mathieu, nouvelle titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, où vous avez donné votre leçon inaugurale le 16 novembre dernier. On en parlait juste avant la musique. Claire Mathieu, l'une des applications qui a fait votre renommée, c'est cet exemple du plafond de verre sur un réseau social de chercheurs en informatique. informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ont consisté vos travaux pour montrer ce plafond de verre entre, pour les femmes en l'occurrence, pour les femmes chercheurs par rapport à leurs collègues masculins? Il s'agit du réseau social universitaire, des collaborations entre les chercheurs. Quand je fais cours ou quand je fais un exposé à une conférence, si je regarde les gens dans la salle, il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors que dans la société, on est à peu près 50-50. Donc, ce n'est pas normal. Voire un peu plus. Oui, à peu près. Donc, ce n'est pas normal qu'il y ait une toute petite minorité de femmes en informatique et en algorithmique. Et du coup, avec un groupe de collègues, on s'est demandé si on pouvait formaliser ces collaborations, faire une modélisation pour essayer de trouver une explication à la relative absence du nombre de femmes et surtout au fait que plus on avance, plus on passe des étudiants aux doctorants, aux jeunes chercheurs, aux chercheurs plus avancés dans leur carrière, moins il y a de femmes. Et du coup, ça nous a mené à essayer de définir l'influence des gens dans les réseaux sociaux comme étant proportionnelle à leur nombre de contacts. Alors ça, c'était déjà fait, mais dans le contexte des réseaux universitaires, on s'est dit que peut-être on pouvait définir un lien entre des personnes si elles collaboraient de façon proche, si elles étaient toutes les deux, si les deux personnes étaient auteurs d'une même publication. Et à ce moment-là, l'influence d'un auteur est proportionnelle au nombre de ses collaborateurs. Les personnes les plus influentes, ce sont celles qui ont le plus de collaborateurs. Et le plafond de verre, ça voudrait dire que parmi les personnes les plus influentes, donc celles qui ont énormément de collaborateurs, le nombre de femmes tend vers zéro. Alors, on l'a fait dans un cas très simple, celui des directeurs de thèse ou directrices de thèse et des étudiants ou étudiantes. Donc, on a dessiné le graphe où il y a tous les directeurs de thèse, tous les étudiants. On a regardé les degrés dans ce graphe. On a étiqueté chaque sommet du graphe selon que c'était un homme ou une femme. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les sommets avec les plus forts degrés, il n'y avait presque pas de femmes. Et on a trouvé une modélisation, une façon de générer un graphe artificiel à partir de quelques principes qui nous semblaient raisonnables de comportement des humains qui pouvaient expliquer ce phénomène. Quels sont ces principes que vous appelez de comportement des humains? Il y en a trois et qui sont trois variables qui vous permettent finalement d'apporter une sorte d'explication sociologique aux résultats algorithmiques que vous avez réussi à trouver. Alors oui, nous avions des postulats. Nous disons que le réseau évolue au fil du temps. Donc il y a un nouveau participant qui arrive, un homme ou une femme, un étudiant en thèse. Et au départ, en informatique, dès le départ, il y a déjà plus d'hommes que de femmes. C'est au niveau de thèse, c'est vrai. Après, quand l'étudiant arrive, il faut trouver un directeur de thèse. Donc, comment fait-on ? L'idée, c'est que les étudiants aiment bien avoir comme directeur de thèse quelqu'un qui a déjà une certaine influence. Je vois bien, plus je suis vieille, plus c'est facile d'avoir des étudiants. Plus vous avancez en expérience. Oui, merci. Et pourtant, quand j'étais jeune, j'étais dynamique, j'avais envie d'avoir des étudiants, mais les gens, ils ne voulaient pas venir vers moi, ils venaient vers le directeur du laboratoire. Ce n'est pas juste. Le premier phénomène, c'est les gens essaient d'être encadrés par les personnes qui ont le plus d'influence, déjà au préalable. Et puis, le troisième phénomène, c'est le phénomène qu'on appelle phénomène d'homophilie, c'est-à-dire les gens aiment bien travailler avec ceux qui leur ressemblent. Et par conséquent, peut-être que les hommes auraient tendance à travailler plus avec les hommes et les femmes avec les femmes, ou du moins il y aurait un petit poids, une pondération qui donnerait un petit avantage aux personnes du même sexe. Et avec ces trois postulats, on peut construire un modèle de réseau aléatoire qui, pour les paramètres qu'on a calculés, ça correspond à la réalité et qui servent à expliquer mathématiquement l'émergence du plafond de verre. Mmh. Ce modèle, vous l'avez mis à l'épreuve d'autres types de structures sociales ? Non, on avait accès à une seule base de données, celle qu'on appelle DBLP, des publications en informatique. Donc c'est là-dessus qu'on a testé. Ensuite, il y a l'un de mes collaborateurs qui a travaillé sur d'autres phénomènes, parce que l'une des autres explications proposées, c'était que les femmes quittaient le monde universitaire plus rapidement que les hommes, pour des raisons sociologiques autres, par exemple les congés de maternité. Et donc, il a cherché à étudier un modèle où on remplace l'une des hypothèses par l'hypothèse que les deux types de membres du réseau, hommes et femmes, il y a un petit risque de quitter le réseau et ce risque est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Et avec ça, à la place de l'un des trois autres postulats, il arrive également à démontrer le plafond de verre. Donc il y a plusieurs indications possibles qui sont en compétition. Et là, c'est juste, ce n'est que le début. C'est très préliminaire, cette proposition. Et vous-même, Claire Mathieu, au cours de votre parcours, vous êtes aujourd'hui titulaire de cette chaire informatique et sciences du numérique au Collège de France, mais quand on s'engage dans l'informatique, dans l'algorithmique, c'est-à-dire dans des milieux mathématiques qui sont effectivement, vous l'avez dit, spontanément relativement masculins, vous avez souffert de ce plafond de verre, vous avez ressenti une plus grande difficulté à avancer, à progresser dans votre carrière, vous pensez que vos collègues masculins ? Moi, personnellement, je pense que non. J'ai eu beaucoup de chance. À plusieurs moments dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être aidée, d'être soutenue. D'abord, il y avait l'existence de l'école normale supérieure de jeunes filles. C'était à l'époque, il y avait deux écoles normales supérieures, Rudulme pour les hommes et à Sèvres pour les femmes, plus d'autres également qui étaient également séparés hommes-femmes. Et du coup, il y avait le même nombre de postes au concours pour les hommes et pour les femmes. Et du coup, quand j'étais en classe prépa, c'est stressant. Vous savez, on prépare un concours, on ne sait pas si on va réussir, si on va pouvoir avoir ce qu'on veut. Et un jour, j'ai dit à mon professeur de maths, en maths sup, je dis, moi, ce que j'aimerais bien être chercheur plus tard et j'aimerais bien aller à l'école normale supérieure de Sèvres. Et il m'a dit, mais mademoiselle Mathieu, vous aurez le concours de Sèvres. Alors ça, c'était très rassurant. L'année suivante, pendant toute ma préparation, à chaque fois que j'étais prise de douche, je me suis rappelée de ce qu'il m'avait dit. C'était un grand encouragement. Mmh. Et il n'aurait pas pu m'encourager de cette façon avec le concours tel qu'il existe actuellement. Donc ça, c'était vraiment un grand soutien. Vraiment, ça m'a mis le pied à l'étrier, l'école normale supérieure de Sèvres. Et puis après, au bon moment, par exemple, quand j'ai voulu aller à Berkeley une fois pendant un an, j'ai envoyé un message à quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. J'avais aucun contact. Il s'appelait Richard Karp et c'est l'un des chercheurs les plus connus au monde en algorithmique. Et je lui ai dit, monsieur, j'ai vu sur votre page web que vous faites des choses qui m'intéressent. J'ai travaillé sur les pavages. J'aimerais bien venir à Berkeley pendant un an. Est-ce que vous auriez un bureau pour moi? Et puis j'aimerais bien aussi avoir un petit peu de financement complémentaire. Si vous voulez, je peux faire un cours sur les pavages. Et il m'a répondu oui. Alors ça, c'est extraordinaire, vous savez. C'est un petit miracle parce que je ne le connaissais absolument pas. J'avais aucun contact. Donc, et c'est ça qui a démarré ma collaboration avec Berkeley. Donc je pense que ce genre de choses, j'ai été aidée au bon moment par les bonnes personnes. Pour reprendre le fil de notre conversation et de vos travaux et l'étendre un peu à ces questions sociétales qu'on a commencé à aborder avec vos travaux sur ce modèle mathématique du plafond de verre, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, les algorithmes aujourd'hui nourrissent de nombreux fantasmes, notamment du fait de leur opacité. On peut évoquer les géants internet type Google, Amazon, Facebook qui emploient des algorithmes très complexes pour mieux cibler chaque individu. Or, vous dites, Claire Mathieu, quelque chose qui me semble intéressant. Vous dites, les algorithmes, quand ils sont bien conçus, car bien compris, contribuent au bien social et sont un outil de transformation de la société. Ils y prennent une place grandissante, que ce soit pour des applications informatiques, telles que gérer efficacement des données, pour les transmettre rapidement et de façon fiable, pour faire des calculs, pour optimiser l'allocation des tâches, ou de plus en plus pour des usages en société, comme le calcul d'itinéraire, les recommandations de lecture ou de films. Bien conçus car bien compris, ils contribuent au bien social et sont un outil de transformation de la société. Ça fait beaucoup de bien tout ça. Oui, mais comme on en dit beaucoup de mal, je suis curieux d'en entendre beaucoup de bien. Eh bien, disons, s'il n'y avait pas d'algorithme, avec le nombre de personnes qui, par exemple, circulent sur les réseaux, ou cherchent des emplois, ou la taille des marchés, les choses se passeraient beaucoup par connaissance personnelle. À la place, avec les algorithmes, on peut arriver avec un nombre de personnes et un nombre de tâches à faire ou d'emplois ou de possibilités très élevées à les mettre en contact de façon à bien trouver les meilleures solutions pour les uns et les autres. Et pourtant, on parle souvent, pour ce qui est des réseaux sociaux ou des recommandations, de bulles numériques, de dire que ces algorithmes nous enferment dans un systématisme en ne nous rapprochant que des gens qui ont les mêmes points de vue, en ne nous suggérant que des choses dont on a déjà dit qu'on les aimait, c'est-à-dire finalement casse notre curiosité, casse la mixité sociale, casse peut-être l'envie de sortir finalement de sa bulle de confort social et culturel. Vous avez raison, c'est un risque. C'est un petit peu comme un village virtuel, comme autrefois les gens qui habitaient dans un village et qui ne voyageaient pas. C'est ce qui arrive si on, si on ne donne pas des spécifications à nos algorithmes en disant on souhaite qu'il y ait une certaine dose de diversité, exposer les gens à des nouvelles qui sont différentes de ce dont ils ont l'habitude, leur donner une dose de ce qui leur fait plaisir, les caresser dans le sens du poil, et une dose de ce qui plaît, ce qui intéresse beaucoup de monde, même si eux, ça ne les intéresse pas spécialement. Je crois que, par exemple, les recommandations pour les livres suivent ce genre de méthode en essayant de temps à autre de suggérer d'acheter des livres qui sont peu connus pour donner l'occasion de découvrir autre chose. Alors, c'est un risque, parce que ce qu'il y a, c'est que si on n'a pas les spécifications de l'algorithme, si on ne comprend pas comment il marche et on le laisse faire un petit peu tout seul, apprendre, prédire l'avenir à partir de ce que les gens ont aimé dans le passé, on peut avoir des dérives. Il faut cadrer ça avec ce qu'on appelle une spécification, des invariants, ou encore des lois, des règles, une structure qui garantit certaines propriétés d'équité, de diversité, de fiabilité. Est-ce que l'un des problèmes ne vient pas de l'opacité qui entoure aujourd'hui un certain nombre d'algorithmes vedettes, comme l'algorithme de Facebook qui classe les informations que chaque utilisateur voit sur son mur, comme certains algorithmes de recommandation pour des sites de vente culturelle en ligne par exemple, comme pourquoi pas le fameux algorithme PageRank de Google qui nous fait apparaître les résultats de vos recherches. Vous allez l'impression que c'est un résultat objectif. Or, ça ne l'est évidemment pas du tout à partir du moment où vous êtes connecté depuis votre compte. Est-ce que l'opacité n'est pas un des dangers ? C'est vrai. Pour les recommandations, là, il y a un petit problème. C'est que cette opacité, ce n'est pas juste que c'est technique. C'est en fait qu'il y a toute une série de problèmes qui sont résolus en utilisant un algorithme de type apprentissage profond. Et pour ce type d'algorithme, en fait, l'algorithme a été développé avant que la structure mathématique soit bien comprise. Et du coup, ces algorithmes, on leur donne beaucoup de données, ils apprennent, il y a des couches de réseaux de neurones par exemple, qui apprennent au mieux à ajuster leur poids pour avoir les bons résultats, mais qui apprennent par l'expérience, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils font les choix qu'ils font à la fin. Et donc, il n'y a pas les théorèmes mathématiques qui nous disent « voici les propriétés, les lemmes, les lois, les règles que l'algorithme va respecter. » Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que l'algorithme marche ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que si vous allez chercher les nouvelles, les informations, l'ensemble des informations que vous recevez en réponse, qu'est-ce qui fait que c'est le bon ensemble d'informations ? Quelle est la définition mathématique de bonnes informations ? C'est pas clair du tout. C'est pas formalisé mathématiquement. Et donc, pour l'instant, c'est un peu l'anarchie. Et on a besoin de théoriciens. Et vous êtes en train de nous dire que finalement, on a certains géants d'Internet, entre autres, aujourd'hui utilisent des outils mathématiques qu'ils ne comprennent pas bien eux-mêmes. Ah oui, mais c'est pas leur faute. C'est que personne ne les comprend. C'est les chercheurs qui doivent avancer. C'est l'un des défis de la recherche pour les années à venir, de mieux expliquer les propriétés des algorithmes de type apprentissage profond. L'une des questions que vous posiez lors de votre leçon inaugurale et qui me semble aujourd'hui intéressante et au centre du débat que l'on peut avoir autour des algorithmes, c'est celle du libre arbitre. Or, on est face à une forme d'injonction paradoxale puisqu'aujourd'hui, la quantité de données recueillies a largement outrepassé les facultés humaines à traiter ces données. On peut parler du domaine médical, on peut parler de l'astrophysique, on peut parler de plein d'endroits où les mégadonnées, le big data est aujourd'hui indispensable au travail des chercheurs. On en a parlé longuement autour de cette table. On a aujourd'hui absolument besoin d'algorithmes puissants pour trier ces données, pour les classer, pour repérer des schémas, des patterns, comme on dit. Donc, on est à la fois totalement dépendant de ces instruments mathématiques et en même temps obligé de, comme vous venez de le dire, de trouver pourquoi, de comprendre exactement certains de leurs fonctionnements dont on n'est pas complètement sûr. Oui, c'est compliqué ça. c'est compliqué. Moi, j'ai un projet, c'est de me réabonner aux médias traditionnels, figurez-vous. C'est-à-dire les journaux. Autrefois, je lisais les journaux, puis après, j'ai arrêté. Mais maintenant, je me rends compte que les nouvelles que je lis sur Internet, ce n'est pas forcément ce que je souhaiterais. Et j'ai envie d'avoir un ensemble où je sais ce que j'obtiens. Et en fait, si j'achète un journal papier, chez le marchand de journaux, c'est en fait, le contenu a été choisi par des journalistes et il y a comme un contrat de confiance qui a été passé. C'est-à-dire, je sais, par l'expérience, la réputation du journal, je sais à quoi m'attendre s'il y a un biais, je sais ce que c'est que ce biais. J'avoue que c'est vrai qu'il y a des difficultés où pour l'instant, on ne sait pas bien gérer. Est-ce que vous pensez qu'il faut adjoindre à l'algorithmique une partie d'éthique, par exemple? Est-ce qu'il faut établir une forme d'éthique de l'algorithme, Claire Mathieu? C'est à moi peut-être un peu vague, mais je pense qu'il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'un cadre. Surtout quand on a ces choses comme les publicités qui apparaissent dans les moteurs de recherche, qui sont essentielles pour les vendeurs, pour les commerçants, et on ne sait pas comment c'est choisi, d'où ça sort. Est-ce qu'il y aura des biais, par exemple, de la discrimination contre certaines catégories de la population? C'est tout à fait possible. Vous pensez à quoi, par exemple? Je pense à, par exemple, si vous allez voir, disons, des sites de vente de billets d'avion, si ça se trouve, selon votre profil, vous aurez des prix différents qui seront offerts. Et il se pourrait très bien que, aux États-Unis, il se pourrait très bien que des prix plus chers soient proposés aux noirs qu'aux blancs aux États-Unis. C'est illégal. Il faut pouvoir se prémunir de ce genre de biais. Et donc, il faut prendre les lois telles qu'elles sont appliquées, définies pour les humains. Et il faut arriver à les définir d'une façon qui soit adaptée aux algorithmes. Donc ça, c'est l'une des conditions. Et puis, nos algorithmes, il faut qu'on puisse vérifier la réponse. Vous ne voulez pas juste avoir une solution, une réponse. Vous voulez en plus avoir une justification de la réponse. Vous voudriez savoir pourquoi la réponse est supposée être la bonne réponse. Si l'algorithme vous propose un diagnostic médical et que vous êtes médecin, si ça vient sans aucune explication, vous ne savez pas quoi en faire. Mais si ça vient avec une argumentation, là, vous pouvez vérifier que chaque étape vous semble, à vous, le médecin, raisonnable. Ce qui nous fait revenir, finalement, à cette question de l'opacité dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui, à défaut d'une éthique, il faudrait une transparence, il faudrait que des chercheurs comme vous, comme d'autres personnes qui travaillent en algorithmique, en mathématiques, puissent avoir accès à ces algorithmes pour comprendre comment ils fonctionnent quand on ne le sait pas, et sinon pour comprendre quelles sont les mécaniques mathématiques qui leur permettent d'aboutir au choix qu'ils nous proposent. Absolument, je crois que l'ensemble de la communauté scientifique est très favorable à la transparence. Ça permet de faire avancer la recherche et c'est meilleur pour tous. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission, Claire Voisin. J'aimerais, pour conclure, que vous nous parliez un peu de la façon... Enfin, de ce que vous souhaitez transmettre à travers vos cours et votre chaire au Collège de France. Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre à travers cette nouvelle chaire qui est la vôtre? Quand j'ai préparé la leçon inaugurale, en fait, j'ai pensé à deux sortes de publics. J'ai pensé à mes voisins dans le quartier où j'habite, qui ne sont pas spécialement scientifiques, même pas du tout. Et j'ai pensé à ce qui pourrait les intéresser, eux, comment essayer de leur faire comprendre ce que je fais, ma vie professionnelle. Et puis j'ai pensé à mes collègues qui aimeraient peut-être entendre une sorte de bilan, de perspective avec un petit peu de recul sur le domaine. Donc c'est en tenant ces deux publics à l'esprit que j'ai essayé de concevoir la leçon pour faire passer un message avec un certain recul sur le domaine de l'algorithmique. Alors maintenant, pendant le cours, c'est un petit peu plus scientifique. Et là, j'ai demandé, lors du premier cours que j'ai fait, le cours scientifique, mardi dernier, j'ai demandé aux gens dans la salle de m'envoyer des messages pour me dire ce qu'ils attendaient. Et les quelques réponses que j'ai reçues sont des gens qui sont ingénieurs ou biologistes ou autre chose et qui veulent élargir leur culture scientifique, en particulier en ayant des exemples d'algorithmes appliqués à d'autres domaines. Comme par exemple? Comme par exemple, les algorithmes de couplage et puis la méthode APB. C'est ou les algorithmes de couplage de taille maximum et les greffes de reins. Il faut peut-être redire, on a quelques minutes encore, oui. c'est un mot sur ces algorithmes de couplage de taille maximum et les greffes de reins, qui sont pour le coup des algorithmes qui sont à la destination de la communauté médicale et qui pourraient aider, notamment dans un secteur où on a beaucoup parlé de pénurie, on en a parlé ici il n'y a pas très longtemps, le secteur de la greffe, des algorithmes pourraient aider à simplifier, à trouver plus de patients, à optimiser en fait le travail des médecins du secteur de la greffe. Ça fait une dizaine d'années que c'est utilisé. Vous avez des malades qui ont besoin de greffe de rein, et puis il y a des proches, des membres de leur famille, qui sont prêts à donner l'un de leurs reins pour les aider, mais malheureusement, ils ne sont pas compatibles. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça ne servait à rien autrefois. Et puis, il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, il y a une méthode qui a été conçue, l'idée de faire des dons croisés. Donc, si vous avez deux couples malades donneurs, disons un mari et sa femme, le mari est malade, sa femme voudrait lui donner son rein mais ne peut pas. Puis de l'autre côté, un couple fille-mère, la fille est malade, sa mère voudrait lui donner un rein mais ils ne sont pas compatibles. Si la mère donneur est compatible avec le malade, le mari malade, et que l'épouse donneuse est compatible avec la fille malade, alors on peut faire un don croisé. Et du coup, organiser ces dons croisés, en avoir le plus possible pour que le plus possible de malades reçoivent une greffe de rein, ça peut se formaliser facilement comme un problème mathématique, algorithmique. Un tout dernier mot, Claire Mathieu. Vous avez déclaré dans une interview récente au Figaro, nous vivons aujourd'hui dans une sorte de Far West. C'est le Far West des algorithmes. Est-ce que vous pensez être, je ne sais pas, la Calamity Jane, l'algorithmique contemporaine? Écoutez, je suis toute surprise de voir que d'un seul coup, les médias non seulement me posent des questions, mais qu'après on me lit. Il va falloir vous y habituer. Le Far West... Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression, comme on parle tout le temps des algorithmes qui sont utilisés pour tout, pour n'importe quoi, et de façon internationale, ça dépasse toutes les frontières, ça se passe sans qu'il y ait de loi, de cadre. Il y a besoin qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claire Mathieu, d'avoir accepté notre invitation. On peut retrouver votre leçon inaugurale. On a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission, évidemment sur Internet, sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr, ainsi que vos cours au Collège de France. Peut-être un mot des ouvrages aussi que vous pourriez recommander à nos auditeurs qui s'intéressent à l'algorithmique. Pour ceux qui s'intéressent aux algorithmes d'approximation, il y a un ouvrage écrit par Vijay Vazirani et traduit en français par Nicolas Chabanel, qui commence à être un petit peu ancien, mais qui est excellent. Donc, algorithme d'approximation de Vijay Vazirani, traduit par Nicolas Chabanel. Et on vous met ça immédiatement sur notre fil Twitter. Merci beaucoup, Claire Mathieu. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Julien Calvas à la technique, Thibaut Gouffier au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, Hervé Gardette se demandera si la parole libérée des victimes est sacrée. Dans quelques instants, c'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine de Jérôme Sandelart et Véronique Samouilov, En mal de toi, état des lieux du mal logement. Et pour ce qui nous concerne, demain, on va se détendre un peu et inverser le paradigme. Et si les scientifiques en général et les geeks en particulier n'étaient plus l'objet de blagues, mais le sujet des blagues? Pour notre vendredi fiction, nous parlerons du sitcom le plus populaire de toute l'histoire de la télé américaine, de Big Bang Theory. Ce sera Bazinga demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.